Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Karl Lagerfeld, le dernier empereur de la mode. La chose qui tue, c'est ne pas trahir. Il faut trahir, il faut détruire, il faut manquer de respect. Si vous faites ça, vous pouvez avancer. Si vous vous figez dans une époque et en disant c'est ça, vous savez, le respect, ça tue. Hein. Est-ce qu'un couturier, Karl Lagerfeld, est un artiste ? C'est un art appliqué. Mais il y a beaucoup de couturiers qui sont des artistes, ils n'attendent pas que d'autres leur disent qu'ils sont des artistes. Alors, si vous êtes autoproclamé, c'est plus douteux. Je transforme ma question. Êtes-vous, Karl Lagerfeld, à vos yeux, un artiste ? Non. Moi, je fais des robes, je fais des photos, je fais des livres, et je ne donne pas de label à ce que je fais. C'est aux autres de trouver ou de ne pas trouver, mais je trouve ça extrêmement prétentieux de se dire « moi, je suis artiste, moi ». Karl Lagerfeld, en entrevue avec François Bunel en novembre 2012, le respect, ça tue, il faut trahir, il faut détruire pour avancer. C'est peut-être cette vision très particulière qu'il a de la création qui a permis à Karl Lagerfeld de relancer et de dépoussiérer les collections de la maison Chanel quand il en prend la tête en 1983. Monstre sacré, icône de la mode, dandy, aristopunk, Lagerfeld ne laisse personne indifférent. L'un des premiers couturiers indépendants, il va signer au cours de sa très longue carrière, peut-être la plus longue carrière de toute l'histoire de la mode, des collections en France, en Italie, en Allemagne et au Japon. J'étais tellement dingue de vêtements que déjà à 4-5 ans, je voulais être habillé autrement le soir et j'avais une chose que j'adorais, c'était des chemises avec des cols comme ça un peu plats, comme boutonnés. Les pantalons sur ces chemises-là, en soie, comme ça, avec des plis. Voilà. Et dès que je suis allé à l'école, il y a une photo que quelqu'un m'a envoyée l'autre jour que moi je ne connaissais pas. Alors vous avez toute une flopée de garçons blondinés, coupés en brosse, avec des taches de rousseur. Et au milieu, vous avez une personne avec des cheveux longs. Et ça, c'était quand j'avais 12 ans, quelque chose comme ça, vu la date. Comme ça, un nœud papillon. Et, chose la plus étrange que j'en souviens même pas, une veste noire. Et un pantalon de flanelle grise. Je peux vous dire, au fin fond d'une campagne allemande, ça ressemblait parce que les autres, la tenue moyenne, c'était petite chemisette, pull tricoté par maman, et short froissé, voilà, et ça, dans une espèce de Vichy fané, voilà comment étaient habillés les autres. Mais je voulais faire différent. Je n'avais qu'un désir dans la vie, et je n'ai pas tellement changé d'idée, c'est différent de tout le monde. J'ai aucune envie de normalité. Extrait du documentaire « Karl Lagerfeld dessine » réalisé par Loïc Prigent en 2005. Pour retracer le parcours fascinant de Karl Lagerfeld, je reçois le journaliste de mode Stéphane Leduc, qui est aussi directeur pédagogique de l'école Promédia et qui est chargé de cours également à l'École supérieure de la mode de l'Université du Québec à Montréal. Stéphane Leduc, bonjour. Bonjour, très heureux de vous retrouver. Très content de vous avoir avec nous également, Stéphane. C'est évidemment l'un des grands, l'un des plus grands créateurs de mode du dernier siècle, Karl Lagerfeld, mais c'est aussi un personnage, on l'a entendu d'ailleurs un petit peu déjà, un personnage très, très fort, avec une image très, très forte et qui est très fortement associé à la mode. Puis la beauté avec Lagerfeld, c'est que qu'on soit amateur de mode ou pas, à peu près tout le monde le connaît. Comment décrire ce personnage-là? Personnage qui est fascinant et mystérieux à la fois parce que c'est quelqu'un qui parlait beaucoup, mais en même temps était très caché. Mais il a su imposer une image tellement forte qu'il s'est imprégné, je dirais, dans l'imaginaire collectif. Ses cheveux blancs poudrés en queue de cheval, ce col montant, ses lunettes noires, ses longues vestes noires, ses gants de cuir. Ça a été une image parfaite pour s'imposer partout dans le monde et de devenir même un élément de médias sociaux. Donc, sa vie s'est prolongée à travers les différentes étapes de différentes époques au niveau des médias. Et jusqu'à aujourd'hui, on irait dans la rue, on présenterait simplement la silhouette et les gens reconnaîtraient Karl Lagerfeld sans connaître la mode du tout. Et même sur sa date de naissance, parce qu'il est né en 1933 à Hambourg, en Allemagne, mais il a toujours joué sur la date, disant parfois 1938, 1935, en prétextant que c'était une erreur de sa mère sur l'acte de naissance. Mais ça montre le côté mystérieux et qu'il voulait entretenir cette relation de mystère pour captiver l'attention aussi. Oui. Au-delà du personnage dont on vient de parler, que tout le monde ou à peu près connaît, parlez-nous un petit peu du Lagerfeld que vous avez connu. Vous l'avez croisé à de multiples reprises, vous l'avez interviewé souvent. Quel souvenir vous gardez de lui, de cet homme-là que vous avez eu la chance, vous, d'interviewer? L'homme était très impressionnant et pouvait faire peur d'une certaine façon, mais ce qui m'a toujours frappé chez lui, c'est sa générosité envers les médias, générosité envers le jeune journaliste que j'étais, qui représentait quand même un média peu connu en Europe, et aussi le Canada, qui n'est pas un grand marché pour la haute couture, en fait, qui est tout petit, mais il prenait le même temps, la même patience, après des heures d'entrevue, de donner le temps au jeune journaliste que j'étais et par la suite aussi. Donc, une grande patience, d'une grande politesse, d'un grand savoir-vivre aussi et un sens de la répartie formidable. C'était ses phrases lapidaires parfois, mais il avait un sens de la formule incroyable. Mais il fallait être bien préparé. Quand il voyait qu'on connaissait bien notre dossier, c'était avec beaucoup de respect. Et ça a toujours été, ce qui m'a frappé également, c'est l'amour des gens qui travaillaient avec lui. Le respect que les chefs d'atelier, les petites mains, ils n'avaient que des bons mots à son égard. Il avait beaucoup, beaucoup de respect pour lui parce qu'il les inspirait, mais il les respectait également. Il savait l'énergie et le travail que ces gens-là lui donnaient également. Lagerfeld, je le disais d'entrée de jeu, c'est probablement l'un des premiers couturiers indépendants, un peu comme les chefs d'orchestre des couturiers qui travaillent donc avec différentes maisons. C'est pas unique, mais c'est vraiment... Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment l'un des premiers à se promener comme ça d'une maison à l'autre en même temps? Oui, absolument. Et c'est une autre des choses fascinantes chez lui, cette capacité de travail. Parce que quand il va faire des collections de façon indépendante, parce que c'était le début du prêt-à-porter dans les années 50, donc il va travailler autant pour la France, l'Italie, l'Allemagne et le Japon, mais c'est surtout cette capacité de travail. Il va dessiner jusqu'à 2000 vêtements pour 20 marques différentes au même moment. Il déclare d'ailleurs qu'il faut faire 10 000 dessins pour en conserver un dixième, qu'il faut dessiner pour la poubelle pour savoir ce que l'on vaut. C'était un travailleur infatigable, 12 heures par jour, 7 jours sur 7, mais sans jamais se répéter. Et c'était ça, son défi, et on lui accordait ce privilège de travailler d'une maison à l'autre parce qu'il ne copiait jamais l'autre collection. C'était diverses personnalités, il savait s'adapter. D'ailleurs, il disait qu'il était un mercenaire de la mode. Il l'a souvent affirmé qu'il était prêt à travailler pour à peu près n'importe qui, tant que les gens étaient capables de se l'offrir également. Oui. Mais capacité incroyable de produire. Cela dit, est-ce que dans toute cette diversité, dans cette volonté de ne jamais se copier ou copier une collection, est-ce qu'il y a une patte Lagerfeld? Est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce qu'il y a une signature Lagerfeld? On se dit toujours, est-ce qu'il avait un style ou plusieurs styles? Mais si on parle de sa propre marque, on peut dire beaucoup de noir. En fait, il faisait une mode qui pouvait lui ressembler d'une certaine façon. Une grande rigueur dans la coupe, un sens du détail au niveau de l'épaule, des poches, des manches, mais aussi des cols qui montaient très haut, une silhouette élancée, une grande sobriété, en fait, qui allait presque vers une certaine sévérité, un costume presque religieux, mais toujours une touche d'humour, puis un élément qui venait couper cette rigueur. Et chose importante pour Lagerfeld, le vêtement n'est jamais un costume ou un déguisement, contrairement à certains couturiers. Et ça, c'était une de ses forces qu'on retrouve dans son style et dans sa créativité. Alors, commençons un petit peu le récit de sa vie, le parcours de Lagerfeld. En commençant par l'enfance, on n'y échappe pas. C'est des années qui sont souvent formatrices et qui influencent ce que deviendra l'artiste plus tard. Un petit mot là-dessus. À quel milieu, d'abord, il appartient, Karl Lagerfeld? Un milieu aisé, bourgeois même. Son père, Otto, est un importateur de lait en poudre américaine, d'une marque américaine, et par la suite, il deviendra lui-même un grand fabricant, ce qui va permettre à cette famille d'être relativement épargnée pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils habitaient d'ailleurs un domaine à Bissenmort, qui était à 50 km au nord de Hambourg. Son père voyageait beaucoup, donc des liens plutôt distants avec lui, qu'il compensait ses absences par une grande générosité. Et une relation assez particulière avec sa mère, qui aimait la littérature, la musique et la haute couture. C'est une relation complexe parce qu'elle avait des commentaires assez tranchants. Elle a souvent raconté que, dès son plus jeune âge, son débit rapide et saccadé viendrait de sa mère, qui lui disait qu'elle n'avait pas le temps d'écouter un enfant, qu'il fallait qu'il raconte rapidement ce qu'il voulait dire. Un jour, elle lui dit qu'il lui ressemblait, mais en beaucoup moins bien. Elle trouvait qu'il... Elle trouvait qu'il jouait mal du piano, alors elle lui dit de dessiner, car au moins il ne fera pas de bruit. Par contre, ça va lui servir parce qu'il dessine dès l'âge de 5 ans, sans savoir ce que s'appelle la mode. Il voulait devenir un caricaturiste ou un portraitiste, et le dessin lui a permis de faire cette carrière incroyable. Oui, puis un premier contact, je pense, tangible. À la fin des années 40, il assiste à un premier défilé, un défilé de Christian Dior. On imagine déjà ce que ça peut lui faire. Dans quelles circonstances, cela dit, il décide de faire de ce métier de la mode son métier? Oui, il débute tranquillement. Il va vivre à Paris, qui était la ville qu'il fascinait. Il comprenait très bien, après avoir vu cette collection de Christian Dior, que c'était la ville incontournable. Donc, il débute comme illustrateur, mais c'est en participant à un prestigieux concours du secrétariat international de la laine Woolmark, le 25 novembre 1954, qui se fait connaître en remportant le premier prix ex aequo avec un jeune homme au talent prometteur, un certain Yves Saint-Laurent. Donc, un jury très prestigieux avec Hubert de Givenchy, Jacques Fatt et Pierre Balmain. Et Balmain le recrute, il l'engage comme assistant de 1955 à 62. Parallèlement, et c'est là qu'on voit qu'il aimait vraiment être très actif et très dynamique, il devient directeur artistique chez Jean Patou en 59. Et c'est là qu'il va réellement apprendre de toutes ces couturières, toutes les techniques de la haute couture, tout le savoir qu'il va accumuler, il va enregistrer, il va s'imprégner. Et par la suite, ça va lui servir dans toutes les étapes. En 63, il débute chez Chloé, une grande marque de prêt-à-porter de l'époque. Donc, il s'éloigne de la couture et il va être avec eux pendant... Il fera le succès de la marque pendant 20 ans. En 65, c'est le début avec Fendi, cette grande maison italienne. Et jusqu'à sa mort, en fait, c'est la plus longue collaboration de l'histoire de la mode, 54 ans. Et en 83, ben, débute cette formidable collaboration avec la maison Chanel. Et il fonde sa propre marque en 84. Et Chanel, ben, évidemment, c'est une étape très importante pour lui, mais pour la maison Chanel elle-même. L'événement de la saison pour le monde de la mode était l'entrée chez Chanel du modéliste connu Karl Lagerfeld, chargé de créer des collections dans l'esprit de ce que faisait Mademoiselle Chanel. Une forte personnalité comme celle de Lagerfeld pouvait-elle se couler dans une obligation si étroite? Il en parle lui-même. Comment est-ce qu'on fait du style Chanel? Au fait, on devrait le faire que quand on est un créateur à part entière, ça veut dire quand on le reste. Moi, je ne fais pas que des Chanel. Moi, je peux faire ce que je fais moi-même ou ce que je suis moi-même. Mais il est amusant de faire à l'intérieur d'un style déterminé comme une espèce d'exercice de style. Et c'est ça qui m'avait tenté dans l'aventure Chanel. C'est ma proposition de l'image Chanel. Je ne veux pas dire que c'est comme une pièce de théâtre, mais c'est jouer avec les thèmes donnés. La maison Chanel est une affaire qui fait vivre beaucoup de monde, qui est une affaire importante pour la mode et le prêt-à-porter, mais aussi pour le cosmétique, et qui a besoin d'une image de mode, et qui a envie et besoin de l'image Chanel qui quelqu'un doit mettre à l'heure du jour. Même si le style Chanel n'est pas soumis à un changement saisonnier, il doit quand même, dans son aspect général, avoir un petit côté up-to-date, sinon c'est un peu... la mode ne peut pas stagner. Donc il faut continuer, il faut marcher, il faut aller avec son temps. Il y a une dose d'opportunisme dans la mode. Extrait tiré des archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel en France. Lagerfeld va donc prendre la direction artistique de la maison Chanel en 1983, Stéphane Leduc. On a souvent dit d'ailleurs que c'est lui qui va dépoussiérer la maison. Comment mesurer l'importance qu'il a eue pour Chanel? Oui, c'était assez incroyable parce qu'on lui déconseillait, en fait, quand il est engagé par Alain et Gérard Vertemer, les petits-fils de l'associé de Coco Chanel, Pierre Vertemer, la maison décline parce que depuis 1971, ils n'ont jamais trouvé la véritable clé ou le secret de Coco Chanel. Et c'est Karl qui va le trouver parce qu'il a une très, très grande connaissance de l'histoire de Chanel, de l'histoire de la mode. Donc, il va jouer avec les codes. Il en joue d'une façon impertinente et provocatrice. Par exemple, il raccourcit les jupes alors que Chanel détestait de... Il ne fallait pas montrer un genou dans l'esprit de Chanel, mais lui fait totalement le contraire. Mais il a à la fois le respect de l'esprit de Gabriel Chanel. Il retrouve les codes, le noir et le blanc, la fleur de camélia, les tailleurs, les colliers de perles, les chaussures bicolores et le sac à bandoulière. Il va jouer avec ces codes. Il va les transgresser, les associer différemment. Donc, il contribue au mythe de Chanel, mais il nous rappelle aussi l'histoire de la vie de Chanel, son combat de femme libre, la rigueur dans son approche, ses innovations, comme la robe noire, les cheveux courts, le jersey, qui était seulement utilisé pour les sous-vêtements pour hommes. Donc, cette transformation, cette connaissance de l'histoire va faire qu'on connaît à la fois le personnage de Gabriel Chanel, on le transforme et on a l'impression que ça a toujours existé de cette façon. Oui. Donc, c'est une compréhension totale du personnage et des techniques de la couture aussi. Mais cet équilibre, ce jeu d'équilibre fin, savant que vous décrivez, ça a l'air simple, mais c'est vraiment, ça relève du génie et c'est ce qui va relancer pour pouvoir relancer effectivement cette grande marque qu'est Chanel. Évidemment, on ne peut pas parler de la carrière de Karl Lagerfeld sans parler de ses mannequins, de l'importance qu'elles vont avoir dans la mise en valeur de ses collections. Parmi elles, une incontournable, Inès de la Fressange. Travailler avec Karl, c'est très, très, très amusant parce qu'il a une imagination débordante, une culture de la mode et de l'histoire du costume comme personne. Il est très, très, très rapide et je l'aimais beaucoup. J'avais une vraie tendresse pour lui, pas uniquement de l'admiration. Alors aujourd'hui, donc, ben, vous le savez, une maison star, c'est Chanel, représentée par deux stars qui sont à mes côtés. Le créateur, donc, Karl Lagerfeld, et puis le mannequin vedette, Inès de la Fressange. Moi, je voudrais vous poser une question tout de suite, Karl Lagerfeld. C'est vrai que maintenant, quand on parle de Chanel, c'est vrai que c'est déjà la maison est une star, mais on parle beaucoup d'Inès de la Fressange qui est un peu devenue la star de la maison. Ça vous agace pas? Moi, absolument pas. C'est moi qui ai eu l'idée de la pousser au maximum, et c'est moi, j'encourage ça, mais à mort. Parce que pour moi, Chanel, c'est une chose, je fais plein d'autres choses, et Chanel est une mode faite par une femme pour une femme. Or, cette dame qui a créé cette maison et qui a créé un style n'existe plus, parce que j'aime pas dire qu'elle est morte, c'est un vilain mot. Il fallait bien quelqu'un de vivant, de moderne et de jeune, et je n'ai jamais trouvé mieux au monde, et j'ai beaucoup cherché qu'Inès. Alors, c'est Inès. Au contraire, j'aimerais qu'on parle jamais de moi par rapport à Chanel et uniquement d'elle. Alors, vous, Chanel, c'est pour toujours. Vous pourriez pas passer dans une autre maison de couture? Ah non, c'est encore pendant 3 ans. Et après, ça sera un gros transfert comme Maradona. Il me jette dans 3 ans. Mais j'espère que tant que je serai là, personne ne la jettera, je peux vous dire. Bon, vous y opposerez formellement. Extrait du documentaire Inès de la Fressange, En avant, calme et droit, réalisé par Marin Montagu. Que nous dit ce qu'on vient d'entendre, Stéphane Leduc, sur cette relation Karl Lagerfeld avec ses égéries, avec Inès de la Fressange au premier plan? Quelle importance ont ces femmes pour lui? Oui, il a très bien compris que l'image doit se diffuser, et pas seulement son image, mais l'image des mannequins. Inès, c'est un très bon choix parce qu'elle représente, elle est jeune, elle débute, mais elle a une certaine impertinence sur la scène. Elle déambule d'une façon très personnelle sur les podiums. Elle a aussi une ressemblance avec Coco Chanel par ses cheveux courts, bruns, un peu d'insolence aussi. Donc, c'est l'image parfaite d'une maison extrêmement parisienne. Inès l'incarne parfaitement. C'est une complicité qu'ils ont. Ils feront beaucoup de photos aussi. Mais la force de Karl, c'est de savoir aussi rester fidèle à travers les années, mais de passer d'une égérie à l'autre. Arrive plus tard, dans les années 90, ce phénomène des top modèles, et il choisit une égérie totalement différente, qui est Claudia Schiffer. Ouais. Allemande, blonde, une image à l'opposé d'Inès de la Fressange, mais qui va s'imposer parce que le succès de cette mannequin est planétaire. Il va engager d'ailleurs beaucoup de mannequins comme Linda Evangelista, ces mannequins qui étaient très reconnaissables et que les gens connaissaient par leur prénom. Et par la suite, il comprend que la musique aussi commence tranquillement à prendre une place importante. Il engage, il prend Vanessa Paradis, avec qui il a une grande complicité, qui s'est poursuivie et qui se poursuit encore aujourd'hui avec la maison. Donc, il comprend l'importance d'aller ailleurs qu'avec les mannequins. Plus récemment, Kristen Stewart, cette actrice américaine qui connaît beaucoup de succès. Et tout récemment, Lily Rose Depp, qui est la fille de Vanessa Paradis. Donc, il entretient ce lien de fidélité, de fraternité et qui se poursuit. C'est une histoire de famille, Chanel. C'est une grande maison mondiale, mais on dirait qu'ils ont toujours réussi à garder cet esprit familial malgré tout. Donc, il y a tout ça. Il y a les mannequins, les égéries, il y a les collections, les vêtements qu'ils dessinent, spectaculaires. Et puis, il y a ces défilés qu'ils présentent au Grand Palais. Petit tour d'horizon avec cet extrait d'une vidéo de la chaîne YouTube sur les plus beaux défilés de Karl Lagerfeld. Dans le Grand Palais, un lion gigantesque en or est figé, la patte sur une perle nacrée. Le lion, c'est un emblème chez Chanel. C'était le signe astrologique de Gabriel et son porte-bonheur. Karl Lagerfeld l'a remis à l'honneur et sincèrement, il en impose. Mais Karl Lagerfeld, ce n'était pas que de l'élégance et des décors spectaculaires. C'était aussi la reproduction de la vie réelle, comme l'hiver 2015 avec le supermarché Chanel. Les mannequins déambulent dans les rayons et font leurs courses avec leurs caddies. Au milieu des conserves, des fromages et des légumes, la collection s'adapte complètement au décor. La collection croisière 2018-2019 s'intitule La Posa et c'est exceptionnel. Un bateau en mode Titanic sur un sol imitation eau fait tout le décor. Les hublots, les guirlandes lumineuses, les cordes, les bandes d'amarrage rouillées par l'eau, rien n'a été laissé au hasard. Sur le port, on défile avant de prendre la mer dans cette croisière de luxe. Impossible de faire la liste des plus beaux défilés de Karl Lagerfeld sans citer la collection de l'hiver 2017-2018. En entrant dans le Grand Palais, les invités ont dû se dire « Mais non, ils n'ont pas fait ça », sans se douter de ce qui allait arriver. La fusée, c'était déjà incroyable, mais la faire décoller, c'était du génie. Lagerfeld, on le comprend bien avec ce qu'on vient d'entendre, c'est aussi un génie de la mise en scène et ça se voit dans ses défilés. Parlez-nous de ça, Stéphane Leduc. À quoi ressemble un défilé Chanel signé Karl Lagerfeld? Oui, des spectacles majestueux, en fait. C'est plus que des défilés, c'est presque des opéras, je dirais. Donc, on imagine ce grand lieu, le Grand Palais, c'est un bâtiment de l'Expo universelle 2900, donc avec cette grande verrière, et arriver à reproduire parfois une plage, un jardin digne de Versailles, un paquebot, et cette fusée, je pense que cette année, il aurait sûrement utilisé Mars comme décor, parce qu'il était toujours à l'affût de ce qui se passait dans le monde. Et donc, un décor invraisemblable, et pour 3000 invités, donc une très grande salle avec de grandes dimensions. Le défilé avait tellement de succès qu'il répétait deux fois le défilé. Donc, 6000 personnes assistaient à cette présentation en comptant les journalistes. Donc, des moments sublimes et extrêmement qu'on ne voulait pas manquer parce que c'était toujours la surprise. Le décor était caché. Il n'y avait aucune rumeur qui circulait. Donc, c'était la surprise totale dans ce lieu qui reste encore un lieu traditionnel pour les présentations de Chanel aujourd'hui. Et ça, ouais, je trouve ça formidable de poursuivre cette tradition. Ouais. Terminons cette émission en parlant du Lagerfeld de l'intimité. On l'a peu fait depuis le début de l'émission. On lui connaît une seule passion amoureuse avec un bémol. On ne sait pas trop de quelle nature était cette relation qu'il a eue avec Jacques de Bachère. Puis plus largement, vous l'évoquez, beaucoup de flou autour de lui, autour de la date de sa naissance, l'année de sa naissance, beaucoup de flou autour de l'homme de l'intimité. Que dire du Karl Lagerfeld de l'intimité? Oui, en effet, très discret sur sa vie privée. Un seul grand amour dont il a parlé vers la fin de sa vie, en fait, un amour de 18 ans avec Jacques de Bachère, une relation fusionnelle, passionnelle, mais qu'il décrivait comme jamais charnelle. Mais je dirais un homme à la réputation sulfureuse qui a séduit également le couturier Yves Saint-Laurent, ce qui va briser l'amitié entre les deux couturiers, ce qui est un peu triste dans cette histoire. Il a toujours fermé les yeux sur les aventures de Jacques de Bachère, mais l'amour est resté jusqu'à la fin. Donc, une histoire qui reste voilée, mystérieuse, qui se dévoile peu à peu, mais très cachée d'une certaine façon. On a beaucoup plus entendu parler de sa chatte Choupette, ouais, qui est arrivée par la suite en 2011, qui a été une forme de surprise pour tout le monde. On a même dit qu'elle allait hériter de sa fortune, chose qui est fausse, en fait. C'est qu'il y a une gardienne, il y a une nounou qui s'occupe de lui, de cette chatte birmane, en fait. Et donc, un certain montant d'argent va pour conserver cette chatte dans son confort, disons. Stéphane Leduc, c'était un bonheur de vous entendre nous parler du grand maître Karl Lagerfeld, journaliste de mode, je le rappelle, directeur pédagogique de l'école Promédia, chargé de cours à l'École supérieure de mode de l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup. Un plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.